Les pivoines. Il s'agit de la pivoine en arbre, Peonia arborca. Sous le règne de Jinzhang, il monta sur le trône en 1023, de la dynastie des Song méridionaux au village de Changyo, situé à deux lys, 10 lys font une lieue, de la porte orientale de Pingqiang, chef-lieu du département de Qiangnan, vivait un homme dont le nom de famille était Xiehu et le petit nom Xian. Il descendait d'une famille de cultivateurs. Quelques arpents de terre et une cabane couverte en chaume composaient son patrimoine. Sa femme était morte sans lui laisser d'enfant. Dès sa jeunesse, Xiehu Xian, aimant avec passion planter les fleurs et semer les fruits, avait abandonné complètement la culture de ses terres pour se livrer tout entier à son passe-temps favori. Si, après bien des recherches, il obtenait une fleur rare, alors sa joie était plus grande que s'il eût ramassé sur sa route une pierre précieuse. Vous accompagnait-il dehors pour une affaire très importante, quand chemin faisant se présentait quelqu'un qui possédât un jardin, sans s'informer même si cela plaisait ou non au maître de la maison, Xiehu Xian le suivait d'un air riant, entrait flâner dans son parterre et demandait avec instance la permission de voir à loisir. Quand c'était des fleurs et des arbres ordinaires et qu'il avait lui-même dans son jardin, si cependant à cette époque tout était épanoui, il se faisait un grand plaisir d'y revenir. Mais y avait-il une fleur extraordinaire, une fleur qui lui manqua ou qui fut déjà passée chez lui? Alors, sans penser à autre chose, il négligeait toutes les occupations du moment, restait attaché à cette plante sans pouvoir la quitter et oubliait chaque jour de rentrer dans sa demeure. Aussi l'avait-on surnommé Hua Qi, le fou des fleurs. Rencontrait-il un marchand qui eût des plantes précieuses? Sans songer à s'assurer s'il avait sur lui de quoi payer, il fallait absolument qu'il achetât. Et lorsqu'il était sans argent, il se dépouillait de ses vêtements et les laissait en gage. Aussi, certains marchands, bien au fait de la bizarrerie de Xiehu Xian, en prenaient occasion d'augmenter leur prix. Et celui-ci ne faisait aucune difficulté de payer les choses au-dessus de leur valeur. D'autres encore, gens de mauvaise foi, exploitaient à leur profit la passion de Xiehu Xian. Ils s'en allaient chercher de toutes parts de belles fleurs, les coupaient, puis, à l'aide d'un peu de boue, dissimulant l'absence de racines, ils trompaient ce pauvre homme qui n'en achetait pas moins. Mais, chose extraordinaire, il avait à peine remis en terre ses plantes mutilées qu'elles redevenaient vivantes. Les jours et les mois s'étant accumulés, Xiehu Xian était parvenu à former un grand jardin renfermé par des treillages de bambou. Sur cette haie factice, l'églantier, le putschuk, l'hibiscus, le chèvrefeuille, le calicanthe, le corcorus, le bouton d'or s'appuyait en confondant leurs rameaux, et tout autour de l'enclos, l'altéa, la balsamine, l'amarante, la quetmille à fleurs changeantes, le pavot et bien d'autres plantes couvraient le sol. On y voyait aussi le glaïeul doré, le lys, le hyet qui fleurit au printemps, et celui qui fleurit en automne, l'hypomée, le lichni couronné, la pivoine en arbre, et une foule de fleurs impossibles à énumérer. Ici, plusieurs noms de plantes sont omis, comme elles sont désignées par des dénominations poétiques. Il en résulte une difficulté de plus à établir la synonymie, qui d'ailleurs n'est pas entièrement connue. Au printemps, elles jetaient, même à quelque distance hors de l'enclos, un éclat pareil à celui d'un paravent enrichi de 1000 couleurs. Partout on voyait des plantes rares, et l'une était à peine fanée qu'une autre commençait à s'ouvrir. En face du soleil était disposée une porte en bois à deux battants. Après avoir passé cette porte, on trouvait une double haie de bambou, aux deux côtés de laquelle s'élevait une rangée de cyprès, très rapprochée pour servir d'abri. Cette allée conduisait à trois salles couvertes en chaume, mais malgré ces grossiers éléments, elles étaient élevées, spacieuses, bien aérées, et recevaient des fenêtres une lumière abondante. Dans l'appartement principal était suspendu un petit tableau sans nom d'auteur. Les lits, les tables et les autres meubles, tous en bois unis, se faisaient remarquer par un brillant et une propreté extraordinaire. On eût balayé le sol sans rencontrer un atome de poussière. Par derrière, il y avait encore d'autres jolis petits appartements, dont la chambre à coucher faisait partie. Or, comme nous l'avons dit, toutes les fleurs sans exception décoraient ce jardin. Elles y brillaient en abondance. Dans les quatre saisons, elles se succédaient à l'envi, et les huit divisions de l'année n'étaient qu'un éternel printemps. On y voyait donc le prunier qui lève une tige luisante, la vanille dont le parfum se trahit dans l'ombre, le thé qui inspire de belles rimes, le prunier sauvage qui secoue peu à peu sa riche parure, l'amandier dont les pluies printanières doublent l'éclat, la matricaire qui brave la rigueur des gelées, l'immortel des eaux à l'écorce glacée, au corps de jade, la pivoine ornement de la terre et dont l'arôme vient des cieux, l'hémérocale, toujours debout sur les degrés de marbre, le lotus argenté, abondant au milieu des bassins, la péonia dont rien n'égale le parfum et la beauté, la grenade fière et pompeuse qui n'a pas de rival, la cannelle qui exhale au souffle de la brise une odeur dérobée à la lune, l'hibiscus à la grâce sévère comme les bords neigeux du fleuve Kiang, le poirier à la fleur pure et blanche ainsi que la lune au milieu de la nuit, le pêcher aux pétales rouges, éclatant comme s'il reflétait le soleil, la musenda dont les boutons, pareils à des diamants, sont nommés précieux, le calicanthe qui embaume avec son calice ouvert en carré comme la clochette de pierre, le poirier du Japon, souverain dans les palais de l'Occident, le daphné si beau avec ses bordures dorées, la rose panachée, l'azalée pareille à des écharpes aux nuances vaporeuses, la petite prune Yoli, surnommée le ballon de soie brodé. On ne saurait décrire toutes ces plantes, ces arbres mêlant leurs magnifiques couleurs, ces mille fleurs qui répandent en foule leur éclat et leur parfum. En dehors, et précisément en face de cette haie, se trouvait un lac appelé Chao Tien Hu, l'étang du soleil levant, et vulgairement la pièce d'eau du nénuphar. Ho Hua Tang. La perspective en était ravissante en toute saison. Que le soleil parût ou que la pluie tombât, c'était toujours même beauté. Xie Houxian avait amassé de la terre et formé une digue sur le rivage. Là étaient plantés, dans toute la longueur du lac, des pêchers et des saules. À chaque retour du printemps, quand brillait le rouge des fleurs et le vert des feuilles, c'était un coup d'œil aussi charmant que celui du lac Si-Hu. Le père Athanase Kircher, dans sa Chine illustrée, dit en parlant de ce lac célèbre, « Il a 40 000 d'étendue, et sans entrer dans la ville, flotte néanmoins le long des murailles et les arouses, ce qui a donné aux habitants occasion de faire beaucoup de canaux qui prennent l'eau de cette petite mer et la conduisent bien avant dans la ville, et de bâtir de chaque côté de ces canaux des temples, des monastères, des palais, des collèges, etc. Ce lac est situé dans le Zhejiang. La rive était complètement entourée d'hibiscus, et au milieu des eaux apparaissaient des nénuphars magnifiques. Quand ils venaient à s'épanouir, les fleurs, ouvertes par milliers, donnaient au lac l'aspect d'une nuée étincelante. C'était un parfum à enivrer les promeneurs. On allait dans de petits bateaux à rames cueillir des châtaignes d'eau, et la voix des chanteurs retentissait comme le bruit de la brise et des flots. Lorsqu'il s'élevait un vent oblique, les bateliers s'exerçaient volontiers à traverser le lac à la voile et passaient d'une rive à l'autre, comme s'ils eussent eu des ailes. Sous les saules, les pêcheurs abritaient leurs barques et faisaient sécher leurs filets. Ceux-ci se livraient à des jeux, ceux-là travaillaient aux instruments de la pêche. Les uns, après avoir bu, se couchaient à la proue des nacelles, les autres se défiaient à la nage. Le bruit joyeux des ris et des chants ne cessait jamais. Des passants qui prenaient plaisir au milieu des nénuphars se promenaient sur des bateaux peints en jouant de la flûte, par troupes nombreuses. Puis, quand le ciel était devenu obscur, ils s'en retournaient en ramant. Et les 10 000 lumières de leurs lanternes étaient telles qu'il était difficile de ne pas les confondre avec la clarté des étoiles et l'étincelle des vers luisants. Vers le milieu de l'automne, quand le vent qui porte la gelée a commencé à souffler et que les arbres des forêts se teignent d'une nuance dorée et violette, les hibiscus et les saules du rivage, mêlés aux plantes de toutes couleurs, dérobaient au regard les limites du lac. Au milieu des roseaux, les oies sauvages et les grues réunies en troupes poussaient leurs cris vers les nuages et leur voix triste faisait une impression profonde. Au temps de l'hiver, quand des nuées roses se pressent sur le ciel, la neige sautillait et dansait. En chinois, l'expression poétique qui désigne la neige est lo hua, les six fleurs. Le ciel et la terre se confondaient en une même teinte. C'était pendant toute l'année un ravissant paysage que les paroles ne peuvent exprimer. Il y a des vers qui en font foi. Dans le lac Chaotien, les eaux semblent toucher la voûte des cieux. Sans que personne leur marque la mesure, les pêcheurs chantent en cueillant les lotus. Peu à peu, une foule de plantes et de fleurs magnifiques s'y sont multipliées à l'infini. Chaque jour, le maître du lieu vient se reposer en face de son jardin et de son lac. Mais rentrons dans les limites de notre récit. Sié ou Sienne, levé chaque jour de grand matin, lavait les fleurs et enlevait les feuilles tombées. Il puisait de l'eau pour arroser, et vers le soir, il les rafraîchissait une seconde fois. Y en avait-il une près de s'ouvrir? Tout hors de lui, il chantait et dansait. Tantôt il faisait chauffer une coupe de vin, tantôt il faisait bouillir une tasse de thé, et s'inclinant vers ses fleurs avec de profondes révérences, il faisait devant elles des libations, en répétant par 3 fois « Fleurs, soyez heureuses !» Puissiez-vous vivre 10 siècles. Ensuite, assis à leurs pieds, il vidait son verre en le savourant goutte à goutte. Lorsque le vin lui avait monté l'imagination, il chantait et sifflait au gré de sa fantaisie. Puis, quand la fatigue le prenait, faisant d'une pierre son oreiller, il s'endormait à la racine de ses plantes. Ainsi, depuis le moment où le bouton se cache encore jusqu'à celui où il est bien ouvert, il demeurait à poste fixe dans son parterre. L'éclat trop vif du soleil desséchait-il une fleur? À l'aide d'un petit balai de millet, il l'aspergeait d'eau fraîche. Lorsque la lune brillait, il passait toutes les nuits sans se coucher. Et venait-il à souffler un vent nuisible? Tombait-il une pluie violente? Sié ou Sienne endossait son habit d'écorce, déployait son parasol et parcourait le jardin pour tout examiner en détail. S'il y avait une branche lésée, il l'étayait avec un roseau. Au milieu même de la nuit, il se relevait à plusieurs reprises pour faire son inspection. Quand enfin tout était passé, fané, c'était pendant bien des jours des soupirs qui allaient jusqu'aux larmes. Il ne pouvait se séparer de l'objet de ses affections. Ramassant donc les fleurs tombées, il les essuyait délicatement avec le balai de millet et les déposait sur des bassins de faïence. Après en avoir bien nourri ses regards, jusqu'à ce qu'elles fussent entièrement desséchées, il les plaçait dans des cruches très propres, et faisait en leur honneur une seconde libation de thé et de vin. Comme il eût été trop cruel pour Tsié ou Sienne de les jeter, il prenait alors avec tendresse ses cruches pleines et les allait enfouir sous un grand amas de terre. Il appelait cela enterrer les fleurs. Les pétales que la pluie avait salis, il les lavait 3 ou 4 fois dans une eau limpide et les plongeait ensuite respectueusement dans le lac. Cela s'appelait baigner les fleurs. Monter sur les arbres et cueillir les branches fleuries destinées à fructifier, voilà deux choses qui lui avaient toujours singulièrement déplu. Et il avait coutume de formuler sa pensée par ce raisonnement. Dans toute l'année, les fleurs n'ont qu'une fois à s'épanouir. Sur 4 saisons, elles n'en prennent qu'une pour elles, et sur cette saison même, il ne leur revient que quelques jours. Après avoir souffert les alternatives cruelles de 3 saisons, quand elles ont enfin obtenu la bienfaisante température des quelques jours qui leur sont accordés, vous les voyez danser au gré de la brise et venir au-devant de vous en souriant, comme des hommes satisfaits dont l'attente est remplie. Mais si on les tourmente, si on les maltraite violemment, avec quelle facilité ne sera pas détruit en un matin ce qui, à si grande peine, avait obtenu quelques jours à vivre? Oh, si les fleurs pouvaient parler, n'exhaleraient-elles pas des soupirs de douleur? Et d'ailleurs, pendant ce rapide instant d'éclat, si d'abord le bouton a été épargné, dans la suite, au milieu de leur plus grande beauté, les fleurs ont à souffrir des calamités auxquelles elles ne résistent pas longtemps. Les insectes les percent, les abeilles cueillent leur suc, les oiseaux les becquettent, les vers les piquent, le soleil les brûle, le vent les secoue, le brouillard les fatigue, la pluie les bat. C'est donc à l'homme qu'il est réservé de les défendre, c'est à lui d'en prendre pitié. Si, au contraire, par un caprice condamnable, il les coupe et les mutile, comment supporteront-elles ce traitement? Voyez, c'est du germe que se développe la racine de la plante, de la racine sort la tige. La partie la plus robuste constitue le tronc, la plus faible les branches. Ce tronc et ses branches, on ne sait combien d'années il faudra pour leur accroissement. Aussi, à l'époque des fleurs patiemment attendues, quel délicieux spectacle ces plantes présenteront à l'homme! De quelle beauté ne se pareront-elles pas à ses regards? Si donc vous les coupez, la fleur détachée de la branche ne pourra plus y être replacée. La branche arrachée du tronc ne pourra plus y chercher son appui. Tel un homme mort qui ne peut être rappelé à la vie, un supplicié dont on ne peut racheter le châtiment. Ah, si les fleurs parlaient, ne verseraient-elles pas des larmes d'indignation? D'autres personnes encore qui coupent les fleurs s'en vont tout simplement chercher les plus belles, préférant les branches mieux garnies, puis les plantent dans un vase, les étalent sur une table, soit pour alimenter un instant la joie parmi les convives et les exciter à boire, soit pour orner pendant un jour la toilette d'une jeune fille, comme si les convives ne pouvaient savourer le même plaisir en admirant la fleur sur sa tige, comme si la toilette des jeunes filles ne devait pas emprunter tout son éclat au talent de l'artisan. Cette branche coupée, c'en est une de moins sur l'arbre, et le tronc ainsi mutilé pourra-t-il prolonger son existence avec la même vigueur et renouveler chaque année l'incessant spectacle dont il réjouit vos regards? D'ailleurs, au milieu de ces fleurs épanouies, il se trouve parfois des boutons encore fermés, pauvres êtres qui meurent d'une mort prématurée. On voit aussi des gens qui, étrangers à tout sentiment d'affection envers les plantes, montent sur les branches pour cueillir les fleurs, jetant les mauvaises, gardant les bonnes. Ils les donneront au premier passant qui les leur demandera, ou bien ils s'en iront en les semant sur leur route, sans même détourner la tête. Ainsi, victime d'une injustice, un homme meurt sans pouvoir obtenir de vengeance. Si les fleurs avaient le don de la parole, n'exprimeraient-elles pas leur ressentiment? Si Éoutienne avait donc eu toute sa vie pour règle constante de ne cueillir jamais une fleur, de ne jamais toucher un bouton. Lorsque, par exemple, il se trouvait dans le jardin d'un étranger, c'était avec amour qu'il examinait chaque fleur, et il serait resté volontiers tout le jour plongé dans cette contemplation. Si le maître du lieu, prétextant la richesse de son parterre, voulait cueillir une fleur pour la lui donner, Tsieu criait au meurtre et n'y consentait d'aucune façon. Il arrivait également que des voisins curieux venaient chez lui dans l'intention de faire un bouquet. Tant que Tsieu ne les voyait pas, cela passait, mais s'il s'en apercevait, il les engageait deux ou trois fois à cesser, et quand il ne tenait pas compte de ses avertissements, Tsieu, inclinant respectueusement sa tête, faisait de grandes politesses, intercédait du fond de son cœur pour ses pauvres plantes. Aussi, bien qu'on l'appelât le fou des fleurs, on était vraiment touché de sa sincère bohémie, car dès qu'on s'abstenait de tourmenter les objets de son affection, il se confondait en saluts et en remerciements. Les domestiques avaient bien envie parfois de gagner quelques deniers aux dépens de l'enclos, mais Tsieu aimait mieux leur donner de l'argent, et s'il profitait de son absence pour prendre quelque chose, le maître ne manquait pas de voir à son retour la tige endommagée, et alors, pénétré de douleur et de compassion, il appliquait un peu de boue sur la blessure. C'est ce qu'il appelait traiter les fleurs. À cause de tous ces motifs, depuis qu'il était retiré dans ce jardin, Tsieu n'en accordait pas volontiers l'entrée. Les parents et les amis qui demandaient à le voir obtenaient difficilement une réponse favorable. Il ne les laissait pénétrer qu'après leur avoir fait ses recommandations, et, comme s'il eût redouté pour ses fleurs l'effet d'un air nuisible, il exigeait qu'on les regardât à distance. S'approcher était chose défendue. Quelqu'un profitait-il de ce que Tsieu était occupé ailleurs pour dérober une fleur, celui-ci ne tardait pas à le remarquer. Alors son front se colorait, son visage devenait pourpre, il poussait de grands soupirs d'impatience, murmurait quelques imprécations, et pour ce téméraire, le jardin restait à jamais fermé. Dans la suite, connaissant bien le caractère bizarre de Tsieu, chacun s'abstenait de toucher même une feuille. D'ordinaire, les plantes touffues et les arbres épais sont la retraite des animaux, et les oiseaux y font leur nid. Aussi, dans ce lieu, rempli à la fois de fleurs et de fruits, ils se trouvaient en bien plus grand nombre encore. Tant qu'ils se bornaient à manger les fruits, c'était peu de chose. Mais s'il se laissait aller à becqueter et à endommager les fleurs, Tsieu Sien arrivait avec du millet et du grain qu'il plaçait dans un endroit bien net afin que ses animaux le mangeassent. Il leur adressait des prières dont ces êtres privés de raison comprenaient clairement le sens. Chaque jour bien repus, ils abaissaient leur vol et sautillaient délicatement parmi les fleurs, et sans plus jamais becqueter une seule baie, ils chantaient d'une voix flexible et harmonieuse. Les fruits étant aussi respectés, le verger en contenait une foule d'espèces d'un volume, d'un goût et d'une beauté remarquables. À l'époque de la maturité, Tsieu faisait d'abord une offrande au génie des fleurs, n'osant toucher qu'après cette oblation aux productions de son jardin. Puis il envoyait à la ronde à tous ses voisins les prémices de sa récolte. Le surplus était confit, et c'était là son revenu de chaque année. Comme il avait goûté le charme des fleurs, Tsieu Sien, malgré ses 50 ans, ne ressentait ni fatigue ni affaiblissement. Il était au contraire bien portant, robuste et alerte. Vêtu d'habits très simples, usant d'une nourriture frugale, il vivait dans l'aisance et dans le contentement de son sort, possédait encore du superflu et savait venir au secours des pauvres du village. Aussi, il n'y avait personne dans le voisinage qui ne lui témoignât du respect. On l'appelait Monsieur Tsieu, Tsieu Kong, et lui-même se désignait par le nom du vieillard qui arrose son jardin, Kwan Yuen Seu. Les vers disent « Le matin, il arrosait son jardin, le soir, il l'arrosait encore, À force de soins, il y fit éclore 100 plantes rares et précieuses. Quand elles étaient fleuries, il ne pouvait en rassasier ses regards, et il tenait tant à son parterre qu'il aimait mieux le contempler à loisir que d'aller prendre du repos. Ici, l'histoire se divise. Dans la ville de Pingyang, dont ce village de Changyou était voisin, vivait un jeune homme d'une famille de mandarins appelé Chang Wei. C'était un individu corrompu, astucieux, cruel, tyrannique et arrogant. Plein de confiance dans l'influence de sa famille, il s'occupait uniquement à opprimer ses voisins, à les épouvanter par ses violences et à vexer les gens de bien sous divers prétextes. Et quand une fois il avait entrepris quelqu'un, il lui suscitait jusqu'au bout de dangereuses affaires, se faisant un jeu de le ruiner de fond en comble. Alors seulement il lâchait sa victime. Une troupe de valets, d'esclaves, vrais loups, vrais tigres, accomplissait ses volontés. Beaucoup d'autres vauriens aussi, sans être sous la dépendance de Chang Wei, restaient nuit et jour dans sa compagnie, formant ainsi une troupe occupée à chercher en tout lieu l'occasion de nuire et à faire naître les désastres sur ses pas. Combien de personnes avaient eu à souffrir de leur despotisme? Or, contre toute attente, il se trouva un personnage pire encore, qui n'eut pas de peine à saisir et à battre vertement ce méchant homme. Chang Wei alla porter plainte devant les tribunaux, mais son adversaire fit tant de ses pieds et de ses mains qu'il le déjoua et porta même une plainte contre lui. Alors, pour dissimuler sa honte et son affront, Chang emmena avec lui 5 ou 6 domestiques de sa maison et une bande de mauvais sujets avec lesquels il s'en alla à la campagne passer son chagrin. Or, cette maison de plaisance se trouvait précisément située au village de Changyou, non loin de la demeure du vieux Tse Ou-sien. Un jour donc, après le déjeuner, et ils avaient bu au point d'être à moitié ivres, Chang Wei et les siens firent par hasard une promenade dans le village et ne tardèrent pas à se trouver en face du jardin de Tse Ou-sien. Ils aperçoivent par-dessus la haie des fleurs brillantes qui réjouissent le regard. Tout autour sont des arbres répandant un épais ombrage. D'une voix unanime, ils demandent à qui appartient ce jardin si frais et si élégant. Un domestique leur répond que ces plantations font partie de l'enclos de M. Tse ou celui-là même que l'on appelle le fou des fleurs. En effet, ajouta Chang Wei, j'ai entendu dire qu'il y a dans les environs de ma maison de campagne une personne de ce nom, un certain Tse ou qui possède une collection de plantes rares et de belles fleurs. Puisque c'est là sa demeure, que n'entrons-nous? C'est que, interrompt le domestique, mon maître est un peu bizarre, il ne permet guère que l'on voie son jardin. Pour tout autre, c'est possible, reprend Chang Wei. Mais pour moi, cette défense peut-elle avoir lieu? Et aussitôt il pousse la porte. À cette époque, les pivoines étaient en pleine fleur. Tse Ou avait à peine fini d'arroser. Assis dans le parterre, avec une cruche de vin et 2 plats couverts de fruits, il commençait à remplir son verre. Il n'avait pas eu le temps de le vider 3 fois depuis qu'il se livrait à cet innocent plaisir, lorsque le bruit des portes roulant sur leurs gonds frappa son oreille. Il laisse là son vin, court vers la porte, regarde, et voit 5 ou 6 personnes debout devant lui. La fumée du vin monte au cerveau de Tse Ou. Il s'imagine que ce sont en effet des curieux qui sont venus pour voir son jardin. Mais, les arrêtant à la porte, il leur adresse cette question. « Que demandent ces messieurs? Ne savez-vous pas qui je suis, vieillard ?» répond Chang. « Je suis connu dans la ville sous le nom de Chang Yanhui. Chang de l'intérieur du palais. La maison de campagne qui est ici près et qu'on appelle Changkia appartient à ma famille. J'ai appris que vous possédez une multitude de belles fleurs et je viens tout exprès pour les admirer. J'observerai à sa seigneurie, répliqua le vieillard, que je n'ai rien de curieux maintenant. Ce sont des pêchers, des abricotiers que vous voyez ici, et rien de plus. Tout est fané, il n'y a plus rien du tout que cela. Chang Wei se mit à regarder de travers le vieux jardinier et s'écria « Qu'a-t-il donc ce vieillard? Y a-t-il un si grand mal à regarder des fleurs? Vous me répondez qu'il n'y a plus rien. Est-ce que je veux vous les manger? Non, vraiment, reprit encore Xie ou Sien. Le vieux chinois n'en impose point à votre seigneurie. En vérité, tout est fini. » Chang Wei n'était pas homme à écouter tout cela. Il s'avance donc, ouvre brusquement les bras et pousse au milieu de la poitrine le vieillard qui, assez peu solide sur ses pieds, chancelle, trébuche, est jeté à l'écart, et toute sa bande entre tumultueusement. Le pauvre jardinier voit qu'il a affaire à des vauriens abusant de leur force, et il est contraint de leur livrer passage. Puis il ferme la porte de l'enclos, va chercher le vin et les fruits qu'il a laissés à terre, et se tient auprès des jeunes gens, les accompagnant dans leur promenade. Or, parmi les plantes nombreuses du jardin, les pivoines seules étaient épanouies. On compte 5 espèces remarquables de cette fleur qui est la reine des parterres. Ce sont l'étage d'or, le papillon vert, la richesse du melon d'eau, le lion bleu scintillant et la tête du grand lion rouge. Mais la ville de Luoyang, dans le Honan, fut la première de l'empire qui posséda la belle variété nommée Yaohuangkui, l'élégant génie doré, dont un seul pied vaut 1000 des autres. Peut-être demanderez-vous pourquoi cette ville eut ce privilège. Écoutez, sous la dynastie des Tang vivait la reine Wu Seitian, princesse d'une conduite fort irrégulière. La fantaisie lui prit d'aller se promener pendant l'hiver dans le parc derrière le palais et elle écrivit les 4 vers suivants. « Demain matin, je me promènerai dans le parc, que la chaleur aille rapidement l'annoncer au printemps et que toutes les fleurs s'épanouissent dans une nuit sans attendre que la brise du matin ait soufflé. » C'est que la princesse avait la puissance de commander à la nature, et les fleurs n'osant résister à ses ordres, dans une nuit les boutons parurent et s'épanouirent. Le lendemain, la reine monta sur son char pour se rendre au parc et vit 1000 fleurs de toutes couleurs, de toutes nuances, dont l'éclat éblouissait les regards. La pivoine seule, par un sentiment de dignité, ne consentit pas à flatter bassement la jeune magicienne qui, quand elle en eut voulu une seule feuille, n'eût pu la trouver. Wu Seitian, furieuse, se hâta d'exiler la fleur rebelle à Luoyang, et voilà pourquoi les pivoines de cette ville lèvent un front radieux parmi toutes celles de l'Empire. Mais revenons à Xie ou Sien. Les pivoines étaient placées en face de la chaumière, tout autour de la balustrade de pierre qui bordait l'étang. Et dans toute la longueur s'élevait un petit appareil en bois, recouvert d'un rideau de toile destiné à protéger les plantes contre l'ardeur du jour. Les plus hautes tiges avaient bien 10 pieds de hauteur et les plus basses 6 à 7. Les plus grandes de ces fleurs ressemblaient à un bassin de cuivre rouge et l'éclat étincelant des couleurs qu'elles reflétaient dans leur ensemble ravissait les regards. Tous les jeunes gens se récriaient sur la beauté de ces plantes, et Chang Wei, pour aller en sentir le parfum, enjamba par-dessus la balustrade de l'étang. Xie ou Sien, surpris et vexé, s'écria aussitôt « Monsieur, restez ici, regardez de loin et ne passez pas cette barrière !» Mais Chang Wei, irrité de ce qu'on avait fait des difficultés pour le laisser entrer, cherchait en lui-même l'occasion de se quereller avec le vieux jardinier. À ces mots, il prit un air insultant. « Comment donc ? » dit-il. « Vous êtes mon proche voisin, vieillard, et vous ne savez pas encore quel homme c'est que Chang Yanhui ? Quand vous avez d'aussi belles fleurs, vous venez tout exprès me répondre qu'elles sont passées. Je n'ai pas fait de bruit, je suis resté tranquille. Vous recommencez à bavarder et vous voyez que j'ai encore écouté vos observations. Quand j'aurai brisé vos fleurs, il sera beaucoup plus convenable alors de vous acharner à me faire entendre vos discours. » Et là-dessus, déterminé à pousser la chose jusqu'au bout, il attira à lui les fleurs et franchit la barrière pour aller en respirer l'odeur de plus près. Tsie Houssien, qui était à ses côtés, ressentait une violente colère, mais il n'osait ouvrir la bouche et se disait à lui-même « Qu'il sente donc une bonne fois et qu'il s'en aille !» Mais hélas, pouvait-il deviner les intentions de ce méchant homme qui, se plaisant à déployer toute sa malice, se mit à dire « Puisqu'il y a d'aussi belles fleurs, il faut en jouir, il faut boire tout en savourant le parfum et la vue de ce jardin. » Et sur son ordre, les domestiques se hâtèrent d'aller chercher du vin. Or, le vieillard qui vit ces dispositions sentit augmenter son inquiétude et sa mauvaise humeur. « Monsieur, dit-il en s'avançant, le lieu où rampe le limaçon est bien vil, et ce n'est pas un endroit propre à vous recevoir. Sa seigneurie, après avoir considéré ses fleurs à loisir, peut bien retourner dans sa noble demeure pour y vider son verre. » Chang Wei, montrant du doigt la terre, répondit « Voilà une excellente place pour s'asseoir. » « Mais, reprit le vieillard, la terre est inégale et raboteuse. Comment sa seigneurie peut-elle songer à choisir un tel siège ?»« Cela ne fait rien du tout, répliqua le jeune homme. Il suffira d'étendre un tapis de feutre pour garantir nos vêtements. » Et déjà le vin et tout ce qu'il fallait pour le repas étaient arrivés. Le tapis fut déplié et toute la troupe s'assit en cercle, se livrant à mille extravagances, criant et hurlant. Ils étaient au comble de la joie, tandis que le pauvre jardinier, assis à côté, les maudissait en silence. La vue de tant d'arbres et de fleurs poussant et fleurissant en abondance fit naître dans l'esprit de Chang Wei une bien mauvaise pensée, celle de s'approprier cette demeure. Jetant donc sur le jardinier un regard oblique et troublé par le vin, il lui dit « Je vois bien, stupide vieillard, que vous ne savez faire autre chose que de planter votre jardin. Eh bien, à cause de cela, car je n'y trouve aucun mal, je veux vous récompenser d'un verre de vin. » Tsie Houssien était-il bien disposé à répondre ? Sa colère redoublait. Le vieux chinois, dit-il, n'a point reçu du ciel le talent de boire, que votre seigneurie daigne l'excuser. Il faut me vendre votre jardin, ajouta brusquement le jeune seigneur. Ces paroles retentirent bien douloureusement aux oreilles du jardinier. Il fut saisi d'effroi. Ce jardin est la vie du vieux chinois, répondit-il. Comment donc consentirais-je à le vendre? Que ce soit votre vie ou non, vendez-le-moi, ajouta Chang. « Vous ne sortirez pas d'ici. Une fois que je serai retourné dans ma maison de campagne, vous n'aurez rien autre chose à faire que de planter pour mon compte. Est-ce que cela ne vous sourit pas ?»« Ah !» s'écrièrent tout d'une voix les compagnons du jeune seigneur. « Quel bonheur pour vous, vieillard ! Et quand vous obtenez une si rare et si insigne faveur de sa seigneurie, vous ne vous hâtez pas de lui en témoigner votre reconnaissance ?» Tsie Houssien se sentait cruellement humilié, mais il se résigna et fit quelques pas en avant. Tout à coup la colère paralysa ses bras et ses jambes, et il ne put remuer. Chang Wei ajouta « Quel maudit vieillard! Que tu consentes ou non, pourquoi ne réponds-tu pas ?»« Je vous l'ai dit, reprit alors le jardinier, je ne le vendrai pas. Pourquoi prendre la peine de faire cette question ?»« Sottise que tout cela !» s'écria le jeune homme. « Si tu répètes encore que tu ne veux pas vendre ton jardin, je vais écrire un billet et l'envoyer au préfet du département. » Le vieillard n'y tenait plus. Il avait une furieuse envie d'éclater en injures, mais il songea qu'il avait en tête un homme puissant qui, de plus, était ivre. Comment donc espérer de s'entendre? Ainsi, il eut recours à un expédient, et, maîtrisant sa colère, il dit « Puisque sa seigneurie est décidée à acheter, eh bien, soit, mais je demande que l'on m'accorde un jour. Ce n'est pas une affaire qui puisse se traiter en une minute, au galop. » « Bien, très bien !» s'écria toute la bande. « C'est à merveille. À demain, donc !» Or, ils étaient complètement ivres. Quand ils se furent levés, les domestiques remportèrent les objets qui avaient servi au repas, et Tsié ou Sienne, craignant toujours pour ses fleurs, avait la prévoyance de se tenir à côté, tout prêt à les protéger contre Chang Wei, qui prenait sa course en avant dans le but de passer par-dessus le mur de l'étang pour aller cueillir les pivoines. Mais le vieillard l'arrêta. « Monsieur, lui dit-il, ces plantes sont peu de choses, à la vérité. Cependant, vous ne savez pas combien de travaux elles exigent tout le long de l'année. Aujourd'hui qu'elles ont pu se parer de ces fleurs, ne vous acharnez pas à les détruire, ce serait vraiment une grande pitié. Si vous les cueillez, avant un ou deux jours, elles seront toutes fanées. Que ce serait mal de commettre un tel crime. » Mais Chang Wei reprit d'un ton insultant. « Qu'est-ce qu'il appelle un crime? Demain vous vendez, et ces choses-là sont à moi. Quand je briserai tout, qu'est-ce que cela vous fait ?» Et il avança la main. Le vieux jardinier l'arrêta par ses habits, et eut donné sa vie plutôt que de le lâcher. « Seigneur, criait-il, « assommez le vieux chinois, tuez-le, mais il ne vous laissera pas arracher ses fleurs. » « Quel détestable vieillard !» s'écrièrent tous en cœur les amis de Chang Wei. « Sa seigneurie cueille des fleurs, qu'a-t-il donc là de si grave? Parce que vous prenez de grands airs, croyez-vous que vous lui ferez peur et que vous l'en empêcherez ?» Et les voilà tous qui s'en vont en désordre cueillir les pivoines. Le pauvre vieillard, hors de lui, implorait le secours du ciel. Il avait lâché Chang Wei, et il prodiguait sa vie pour arrêter le pillage. Mais tandis qu'il attaquait à droite, il ne pouvait avoir l'œil à gauche. En une minute, bien des fleurs avaient été enlevées. Tsié ou Sienne, accablé de chagrin, se mit à injurier cette troupe désordonnée. « Bandits, canailles, vous franchissez sans motif le seuil de ma porte pour venir m'injurier, me vilipender. Vous voulez ce jardin qui est ma vie. Et pourquoi faire ?» Alors, s'élançant vers Chang Wei, il le pousse avec une violence terrible. Le jeune homme avait trop bu, ses jambes n'étaient pas solides, et il roula à terre la tête la première. Les amis de celui-ci crièrent à l'infamie. « Sa seigneurie est renversée !» Laissant là les fleurs, ils se précipitèrent sur le vieillard pour le frapper. Mais parmi eux se trouvait un homme d'un âge plus mûr, qui, songeant aux 50 ans dont Tsié ou Sienne était chargé, craignit que ces fous ne s'exposassent à de fâcheuses affaires en battant un vieillard. Il calma ses compagnons. Chang Wei était remis sur pied. Mais cette chute n'avait fait que remuer la bile qu'il portait dans le cœur. Il court et brise les boutons avec acharnement. Le sol en est jonché de toutes parts. Ce n'est pas assez. Il saute au milieu des pivoines et les foule aux pieds. Quelle pitié de si belles fleurs! Le vieillard a châtié d'un bras robuste cette troupe ivre et méchante. Ces charmantes fleurs ont en un instant cessé d'exister. Comme si elles eussent péri victimes du vent et de la grêle, elles pleuvent en désordre comme un nuage de pourpre, sans que personne les recueille. Dans son indignation, Tsié ou Sienne invoquait le ciel et la terre, tout le jardin était bouleversé. Les voisins, entendant les cris et les gémissements qui sortent de l'enclos, s'y rendent en masse, et ils voient cette troupe de scélérats occupés à couvrir la terre de débris de fleurs et de branches. Les habitants du village manifestent leur surprise, s'avancent vers les jeunes gens pour les engager à cesser leur œuvre de destruction, et demandent ce que tout cela veut dire. Au milieu d'eux, il y avait deux ou trois fermiers de Chang Wei qui abandonnèrent le parti du vieillard pour celui de ses ennemis. Leur premier sentiment s'évanouit, leur colère se calma, et ils accompagnèrent jusqu'à la porte leur maître qui criait « Vous l'avez entendu, ce scélérat de vieillard l'a dit devant vous. Il m'a bien cédé son jardin, aussi je l'ai épargné. Mais qu'il n'ajoute pas un mot ou je lui apprendrai à mesurer ses paroles. » Et là-dessus, il partit en manifestant la haine qu'il avait dans le cœur. « Parole d'ivrogne !» dirent les gens du village qui s'aperçurent bien que le jeune seigneur avait bu. « Parole d'ivrogne, dites sans intention !» Alors ils retournèrent vers le vieillard et le firent asseoir sur les marches de la cour, cherchant à consoler le pauvre jardinier qui s'abandonnait à l'expression de sa douleur. Puis ils prirent congé de lui et eurent l'attention de fermer la porte de l'enclos. Chemin faisant, les uns, surpris de l'obstination avec laquelle ce vieillard avait toute sa vie refusé l'entrée de son jardin, se mirent à dire « Ce vieux monsieur est vraiment d'une originalité, d'une bizarrerie inexcusable. Voilà ce qui lui attire de semblables affaires. L'expérience d'un premier malheur le garantira sans doute d'un second. » Cependant, d'autres, doués d'une raison plus éclairée, disaient aussi « Ne proférez pas des paroles si opposées aux principes de la justice. Les anciens avaient coutume de dire « La culture demande une année, et la fleur ne se montre que pendant 10 jours. » Le curieux, frappé de leur éclat, s'écrie « Ah, les belles plantes, et voilà tout !» Mais comprend-il tous les soins, toutes les peines de celui qui les a mises en terre? Si vous ignorez les travaux qu'exige cette profession, ne vous étonnez pas au moins que le cultivateur, en les voyant enfin couvertes de fleurs, ressentent pour elles de la tendresse et de la compassion. Mais revenons à notre vieillard. Il n'avait pu s'éloigner de ses fleurs mortes. Courant vers elles, il les recueillit dans sa main et se mit à les examiner avec soin. Il les vit foulées aux pieds, flétries, maltraitées, arrachées de leurs tiges, salies, souillées de boue. Accablé de douleur, il s'écria « Ô fleur, que j'ai toute ma vie tant aimée et si bien protégée, moi qui n'eusse pas voulu toucher une seule de vos feuilles, pouvais-je prévoir le malheur qui vient de fondre sur vous ?» Ainsi il se lamentait lorsque derrière lui se fit entendre une voix humaine qui disait « Tsé ou Sienne, qu'as-tu donc à te désoler ainsi ?» Tsé ou Sienne se détourne. Et il voit devant lui une jeune fille de 16 ans environ, gracieuse et belle, vêtue avec goût et simplicité. Le vieux jardinier ne connaissait nullement cette jeune personne. Il suspend le cours de ses larmes et lui adresse cette question. « Qui êtes-vous donc, mademoiselle, et qu'est-ce qui vous amène ici ?»« Je suis, répond la jeune fille, votre proche voisine. » J'ai appris que vous avez dans votre jardin de magnifiques pivoines en pleine fleur, et je viens tout exprès pour les admirer. Il est à croire qu'elles ne sont pas encore fanées. » À ce mot de pivoine, Tsé ou Sienne se mit à sangloter de nouveau. « Quelle triste aventure vous est donc arrivée ? » demanda la jeune fille. « Que vous vous désolez ainsi ?» Et le pauvre jardinier lui raconte les violences exercées par le jeune seigneur. « C'est là, reprend-elle en souriant, la cause de vos chagrins? Vous serait-il agréable que les fleurs reparussent sur leurs tiges ?»« Mademoiselle, répond Tsé-ou, ne vous jouez pas de moi. Quand la fleur a quitté la branche, est-il un moyen de l'y replacer ?»« Mes ancêtres, ajouta la jeune inconnue, m'ont transmis un art magique au moyen duquel je puis opérer ce prodige. J'ai réussi toutes les fois que j'en ai fait l'essai. » À ces mots, la douleur de Tsieu se changea en joie, et il s'écria: « Quoi ? Est-il bien vrai que vous possédiez cet art surnaturel ? Et pourquoi pas ? » répond la jeune fille. Le vieillard était tombé à ses pieds et lui exprimait ainsi sa reconnaissance. « Mademoiselle, daignez employer cet art magique. Il sera au-dessus des forces du vieux chinois de vous en témoigner sa gratitude. Mais à chaque fleur qui s'épanouira, il ira vous inviter à la venir voir. » « Au lieu de me remercier ainsi, reprit l'inconnu, allez puiser un peu d'eau. » Le vieillard s'empresse d'obéir, mais il lui revient à l'esprit ses pensées. Possède-t-elle cette magique puissance ? Ah non ! Voyant mes larmes et ma douleur, cette jeune fille est venue se rire de moi. Pourtant, elle m'est tout à fait étrangère. Qui l'a donc amenée près de moi ? Non, elle mérite toute confiance. » Et il se hâte d'emplir sa cruche d'une eau limpide, puis retourne la tête. Cependant, la jeune fille a disparu, et toutes les fleurs ont repris leur place sur les tiges. Il n'en est pas resté une seule oubliée à terre. Précédemment, chacune d'elles avait une couleur distincte, et maintenant, il y a cela de changé que la rouge est marbrée. Celle d'une nuance plus pâle porte au fond de son disque une teinte foncée. Chaque pierre réunit les cinq couleurs, et les voilà toutes plus brillantes, plus étincelantes qu'auparavant. Il y a des vers qui en ont perpétué la mémoire. On dit que ces fleurs, ayant été mutilées et traînées dans la boue, une jeune immortelle lui apparut qui connaissait l'art de les ressusciter. Il était plein de foi. Il était avancé dans la vertu, aussi il a su concilier l'affection des objets inanimés, les imbéciles qui se riaient du fou des fleurs. Partagé entre la joie et une surprise mêlée de crainte, Tsieu s'écrie: « Je ne croyais pas que cette jeune demoiselle fût une si habile magicienne. Il faut que je retourne dans le parterre. » Et laissant là son eau, il s'avance pour lui adresser ses remerciements. Il fait le tour du jardin, cherche par ici, cherche par là. Aucune trace de la jeune inconnue. « Par où s'en est-elle donc allée ? » se dit-il à lui-même. « Décidément, je vais retourner à la porte, l'attendre au passage, pour lui demander de me communiquer cet art magique. » Et il prend sa course vers la porte. Mais elle était fermée. Et tandis qu'il l'ouvre, il aperçoit, assis à l'entrée même, ses deux voisins de droite, Wukong et Tanlao, occupés à regarder les pêcheurs du village qui faisaient sécher leurs filets au soleil. Dès qu'il voit le jardinier, les deux vieillards se lèvent et le saluent en disant: « Nous avons appris l'injustice que Chang Wei a commise à votre égard. Comme nous nous rendions au champ, nous n'avons pas pu nous informer des détails de cette affaire. » « Oh, n'en parlons plus, » reprit Tsieu Hsien. « J'ai eu à souffrir les mauvais traitements d'une troupe de débauchés insolents, mais il est venu une jeune demoiselle qui, à l'aide d'un secret magique, a su tout rétablir, et elle est partie avant que j'aie pu lui adresser une parole de remerciement. Vous avez dû voir, vous autres, de quel côté elle est passée. » Ces paroles étonnèrent singulièrement les deux voisins. « A-t-il jamais existé de moyen d'opérer un pareil prodige ? » s'écrièrent-ils. « Et qu'en dites-vous que cette jeune fille s'en est allée ?»« À l'instant même !» répondit Tsieu. « Nous étions très bien placés pour la voir sortir, et personne n'a remué par ici. Quelle jeune fille avez-vous donc vue ?» Cette réponse jeta quelque hésitation dans l'esprit du vieux jardinier. « Puisque c'est ainsi, » pensa-t-il, « ce ne peut être qu'un esprit immortel qui est descendu du ciel. Mais comment donc a-t-elle remis vos fleurs sur leurs tiges ?» demandèrent les deux amis. Tsieu Hsien leur raconta ponctuellement tout ce qui était arrivé, et ceux-ci, avouant qu'il y avait là-dedans quelque chose de surnaturel, demandèrent à aller s'assurer du prodige par leurs propres yeux. Ils s'avancent donc et leur stupeur redouble. « Cette jeune fille est bien un esprit, car quel mortel peut jamais opérer de si grands miracles par le secours de la magie ? Siéou avait allumé du feu et brûlait des parfums choisis pour remercier le ciel. Pendant qu'il se prosternait humblement, ses deux amis lui dirent « L'ardente affection que vous avez toujours témoignée aux fleurs est ce qui a déterminé les immortels à descendre vers vous. » Si demain on faisait en sorte que les mauvais sujets de la compagnie de Chang Wei, informés de ce qui s'est passé, vinssent ici, ils en mourraient de honte. « Non, non, répartit le vieillard, ces gens-là sont comme des chiens hargneux qu'il faut fuir du plus loin qu'on les voit. À quel propos les attirer encore ici ? » Et les deux voisins trouvèrent qu'il avait grandement raison. Dans l'excès de sa joie, Tsie Houssien fit chauffer de nouveau le vin qu'il avait apporté et retint près de lui ses deux amis qui, après avoir joui du spectacle des fleurs jusqu'au soir, s'en retournèrent au village, racontant l'événement du jour. Tout le monde en fut promptement informé, et le lendemain bien des gens avaient envie de venir voir, mais ils craignaient de ne pas obtenir la permission d'entrer, car ils ignoraient que Tsieu était un homme d'un sens profond. S'étant vu ainsi favorisé des immortels, sa pensée prit son vol au-dessus des choses de la terre. Assis pendant toute la nuit à côté de ses pivoines, il repassa plusieurs fois dans son souvenir l'aventure de Chang Wei, et son esprit ayant été soudainement éclairé, il se dit « Je gardais toutes ces choses renfermées dans mon sein. Je les couvais des yeux depuis bien des années. C'est là sans doute ce qui a attiré sur elle ce malheur arrivé du dehors. Mais si les immortels les protègent, eux dont le pouvoir est immense, sans borne, il n'y a plus de motif pour fermer ma porte. » Et dès le lendemain matin, il l'ouvrit à deux battants. Ceux qui étaient déjà venus pour savoir quelques nouvelles trouvèrent le vieillard assis devant ses fleurs, et ils furent accueillis par lui avec ces paroles. « Entrez, messieurs, entrez, venez voir, mais gardez-vous de toucher à rien. » Ceux-ci se hâtèrent de faire connaître partout les bonnes dispositions de Tsieu, et les habitants du village, hommes et femmes, se rendirent tous jusqu'au dernier dans son enclos. Mais nous les laisserons se promener et nous reviendrons à Chang Wei qui, le lendemain, voyant ses amis assemblés, leur dit « Hier, ce vieux brigand m'a culbuté. Est-ce un affront qu'on oublie si vite ? Il faut retourner à l'instant et exiger de lui ce jardin. S'il refuse, je laisserai quelques valets qui arracheront fleurs et arbustes et en feront un grand feu. Ma colère pourra ainsi être satisfaite. » « Étant votre si proche voisin, répondirent les jeunes gens, il n'osera faire des difficultés. Seulement, au lieu de briser hier toutes les fleurs, il fallait en laisser quelques-unes, et dans deux ou trois jours, nous n'eussions pas manqué de revenir. Si vous le prenez ainsi, reprit le jeune seigneur, l'an prochain aussi il y en aura d'autres. Partons donc de suite, afin qu'il n'ait pas le temps de se revoir. » Et toute la troupe se mit en marche. Mais dès la porte de la ferme, ils entendirent raconter le prodige opéré dans l'enclos, l'apparition de la jeune immortelle, la résurrection des plantes. Chang Wei n'en croyait pas un mot. « Vraiment, disait-il, ce vieux scélérat a le pouvoir de faire descendre les esprits à sa voix. Eh bien, allons sans perdre une minute, courons détruire de nouveau ces plantes, et les esprits viendront. Est-ce qu'il a des esprits à son service ? Il est évident que, dans la crainte d'une seconde visite de notre part, il s'est plu à faire répandre le bruit que les immortels le protègent. C'est pour nous empêcher d'aller le tourmenter. » « Bravo ! Sa seigneurie a parfaitement raison !» cria en chœur toute la bande. Les voilà donc qui se hâtent d'arriver au jardin. En effet, les portes grandes ouvertes laissaient une libre entrée aux gens du voisinage qui s'y promenaient à leur gré exactement comme on l'avait raconté. « C'est cependant bien vrai, » dirent alors les amis de Chang. « Et qu'importe, » répondit celui-ci, « Si les immortels ont apparu dans ce jardin, et s'ils y habitent, certes, il n'en est que plus désirable. » Ayant donc marché, tourné de côté et d'autre jusqu'en face de sa cabane, il est convaincu par un regard qu'il n'a pas été dit un mot qui ne fût vrai, car ces fleurs étaient surprenantes, extraordinaires. À la vue des promeneurs, elles augmentaient encore leur éclatante beauté. Leur splendeur était doublée. Elles semblaient sourire aux passants. Malgré l'étonnement mêlé d'effroi dont il était frappé, Chang Wei n'avait en rien du tout changé d'avis. Il désirait toujours se rendre maître de ce lieu. Et après l'avoir regardé une fois encore, une mauvaise pensée s'empara soudainement de son esprit. Il rappela sa troupe. « Allons-en, » dit-il. Et tous sortirent sur ses pas. « Et quoi ?» lui demandèrent ses amis. « Est-ce que votre seigneurie n'a plus de goût pour ce jardin ?»« J'ai un plan, » répondit le jeune homme. « Un bon plan qu'il est inutile de vous exposer ici. » « Demain, ce jardin doit être à moi. »« Mais quel est donc ce fameux plan ?»« Le voici, » reprit Chang Wei. « Je viens d'apprendre que Wang Sei de Pei Cheu, en pleine révolte contre l'empereur, a eu recours au sortilège. Le ministre de la guerre a envoyé une circulaire qui ordonne de réprimer sévèrement les mauvaises doctrines, tant à l'armée que dans les départements, et d'emprisonner ceux qui s'adonnent à la magie. Le préfet de ce district a même promis 3 000 tsiens de récompense pour encourager les délations. Environ 22 500 francs. Ce qui s'est passé hier dans le jardin de Tsieu Sien me servira de texte. J'envoie mon affidé Chang Pei au palais dénoncer cet individu comme pratiquant la magie. Le vieux jardinier est torturé avec la dernière rigueur, il avoue, on le jette en prison, l'enclos est vendu au profit de l'État. Qui osera l'acheter? Personne. Il m'est donc dévolu. Et de plus, j'ai 3 000 tsiens de récompense. Les amis de Chang approuvèrent très fort le plan de sa seigneurie. Il était urgent de s'occuper de le réaliser. Ayant donc pris toutes les mesures, ils allèrent à l'instant même à la ville pour y dresser leur accusation, que le lendemain Chang Pei eut ordre d'aller présenter au préfet de Pingyang. Or, ce Chang Pei, le plus intelligent, le plus rusé des subordonnés de la maison Chang, était aussi très versé dans les intrigues du palais. Voilà pourquoi on le chargeait de cette affaire. Le juge suprême était précisément occupé à poursuivre les sorciers. En apprenant cette histoire dont tout le village avait été témoin, il ne put se refuser d'y croire et envoya à l'instant même des satellites et des alguazils qui emmenèrent avec eux d'autres affidés du palais. Quant à Chang Pei, il devait aller en avant, donner le coup d'œil, entrer le premier pour saisir le coupable. Chang Wei, grâce à quelques largesses, disposa toute l'affaire selon ses vues. Et laissant Chang Pei passer le premier avec les alguazils, il se tint à l'arrière-garde avec ses amis. Le chef des recors pénétra dans le jardin. Tsieu Sien, persuadé que c'était un amateur venu pour contempler ses pivoines, n'y prit pas garde. Mais toute la bande courut sur lui en poussant des cris et on le carotta comme un malfaiteur. Le vieillard criait aussi de toute sa force. « Quel crime a donc commis le vieux chinois, messieurs? J'espère que vous le lui ferez au moins savoir. » Mais les sbires le chargeaient d'imprécations, l'appelant sorcier, bandit, et sans autre explication, ils l'entraînèrent hors du jardin. À cette vue, les voisins, frappés de stupeur, accoururent en foule pour connaître la cause de cette conduite. « Qu'est-ce que vous demandez ? » leur répondit le chef de l'escouade. « Son crime n'est pas léger, et peut-être même que vous autres, habitants du village, vous en avez votre part. » Les paysans stupides, effrayés par ces grands mots, n'eurent plus dans le cœur que de la crainte au lieu de zèle, et ils se dispersèrent précipitamment, redoutant encore de se trouver compromis. Hu Kong et Tan Lao, amis intimes et de vieille date du pauvre jardinier, se hasardèrent seuls à suivre de bien loin pour voir où tout cela devait aboutir. Or, Chang Wei, resté en arrière avec les siens, attendit que le propriétaire fût sorti, et s'étant assuré par une inspection minutieuse qu'il n'y avait plus personne dans le jardin, il enferma la porte et se rendit en hâte au tribunal. Le commandant des alguazils avait fait mettre le vieillard à genoux au milieu de la salle. Le pauvre Tsieu, prosterné sur les dalles, regardait tout autour de lui et ne rencontrait pas un visage connu. Mais il ignorait que les geôliers, soudoyés par son ennemi, s'apprêtaient à le torturer. En effet, ils apportèrent les instruments de supplice et attendirent. Le grand juge commença son interrogatoire d'une voix menaçante. « Quel audacieux sorcier êtes-vous donc, vieillard, pour avoir osé dans ce pays abuser les 100 familles par des artifices magiques? Si vous avez des complices, avouez-le sincèrement. » Celui qui, au milieu de l'obscurité, entend éclater une bombe sans savoir d'où elle est venue, n'est pas plus surpris que ne le fut Tsieu-sien en entendant ces mots. Il répondit donc pour s'excuser. « J'ai toute ma vie habité le village de Changyo. Il ne s'y trouve point de sorcier, comme il peut y en avoir ailleurs. Je ne sais vraiment pas de quels artifices magiques il est question. Mais ces jours passés, ajouta le juge, vous avez employé la magie pour remettre sur la tige les fleurs brisées, et vous avez le front de niais ?» Le texte de l'accusation fit voir clairement au vieillard que le trait avait été lancé par Chang Wei. Il raconta donc en détail la manière dont son ennemi s'était comporté dans l'intention de s'emparer du jardin et la visite de la jeune immortelle. Mais il ne songeait pas que le juge était trop obstiné pour ajouter foi à ce récit. « Combien de gens, reprit le magistrat en souriant, ont respecté les immortels et pratiqué la vertu sans avoir pu réussir à obtenir la visite des esprits. Et vous, parce que vous avez pleuré vos fleurs, voilà qu'un être céleste consente à descendre du ciel. Au moins, en partant, il eût dû laisser son nom, afin qu'on pût le connaître. Est-ce qu'il s'en est allé sans faire d'adieu ? Celui qui cherche à tromper par des paroles aussi artificieuses est bien évidemment un magicien. Cela va sans dire. » Aussitôt s'élançant des deux côtés, les geôliers répondent tous ensemble à la voix du juge. Pareils à une troupe de tigres, ils entourent brusquement le prisonnier et vont lui serrer les pieds et les mains. Ils étaient sur le point de commencer la torture lorsque le juge, saisi d'un étourdissement subit, faillit rouler au bas du tribunal. Sa tête et ses yeux sont troublés par des vertiges. Il ne peut demeurer sur son siège. Il ajourne donc au lendemain la suite de l'affaire, après avoir ordonné au geôlier de conduire en prison le patient chargé de la kang. Tsieu-sien, pleurant et sanglotant, s'en allait donc en prison sous l'escorte des gardiens lorsque Chang Wei se présente à ses regards. « Seigneur Chang, s'écrie-t-il, je ne vous ai jamais avant ce jour donné aucun sujet de me haïr. Je n'ai jamais été votre ennemi. Pourquoi donc m'accabler de la sorte? Et pourquoi chercher à m'arracher la vie ?» Mais le jeune seigneur, sans répondre, se joignit à Chang Pe et au reste de la bande, fit une pirouette et s'en alla. Les deux vieillards, Hu Kong et Tan Lao, vinrent au-devant de leur ami pour savoir ce qui s'était passé au tribunal. Quand ils en furent informés, ils lui dirent « C'est évidemment une injustice dont vous êtes victime, mais cela n'aura pas de suite. Demain, nous tous habitants du village, nous signerons une pétition en votre faveur et nous nous porterons caution, rassurez-vous. Ce que vous désirez faire serait bien utile, » répondit Tsieu-sien en gémissant, et les geôliers l'interrompirent par des injures. « Allons, canaille de prisonnier, tu pleures au lieu d'avancer !» Et le vieillard, arrêtant ses larmes, entra dans le cachot. Les voisins allèrent chercher du vin et des mets qu'ils déposèrent à la porte de la prison. Mais qui d'entre les geôliers aurait eu la complaisance de lui faire passer ses vivres? Ils les prirent pour eux et s'en régalèrent. À la nuit, le pauvre jardinier fut étendu sur la planche qui sert de lit aux prisonniers. Là, plus mort que vif, garrotté de manière à ne pouvoir allonger les pieds ni les mains, dans l'amertume de sa douleur, il se livrait à ses pensées. Aurais-je pu prévoir qu'en rendant la vie à mes fleurs, cette jeune immortelle donnait à mon cruel ennemi l'occasion de me tyranniser ainsi? Ô jeune immortelle, si tu as pitié de Tsieh-O-Sienne, viens donc, viens sauver ces jours en péril. Je suis résolue à quitter le monde pour entrer dans la vie religieuse. Ces paroles l'agitaient encore lorsqu'il vit la même immortelle qui s'avançait doucement devant lui. Aussitôt il crie vers elle, « Puissante immortelle, sauvez votre jeune frère, sauvez-le en grâce !»« Tu veux donc que je t'arrache à ce danger ?» répondit la jeune fille, et à un signe de sa main, la cangue se défit et tomba d'elle-même. Le prisonnier se glissa en rampant jusqu'aux pieds de sa libératrice et frappant la terre de son front. « Quel est le nom de la puissante immortelle ?» lui demanda-t-il. « Je suis, répondit celle-ci, le génie qui préside au jardin sous les ordres de la reine Chi-Wan-Mu. Elle a eu pitié de toi en faveur de ta tendresse pour les fleurs, et c'est ce qui l'a engagé à rétablir les pivoines sur leurs tiges, bien éloigné de croire que les gens pervers dussent tirer de là occasion de te calomnier. Puisque cette infortune vient fondre sur toi au milieu de ta carrière, dès demain Chang Wei, qui détruit les plantes et nuit aux hommes, sera enlevé du milieu des vivants. L'esprit qui préside aux fleurs en a fait un rapport au maître du ciel, et il a retranché la somme des jours que ce méchant avait à vivre. Les compagnons qui secondaient ces vues éprouveront aussi de grands malheurs. Pour toi, pratique avec zèle les vertus qui conduisent à prendre place parmi les immortels, et dans quelques années je te ferai passer dans une autre condition d'existence. » Le vieux jardinier frappait la terre de son front. « Oserais-je, dit-il, demander à mademoiselle quelle est cette pratique de vertu qui rend immortelle ?»« Les voies sont diverses, répondit la jeune fille céleste. Il faut au moins que tu en connaisses les bases. Par ta profonde tendresse envers les fleurs, tu as acquis des mérites, et désormais c'est par les fleurs que tu arriveras à l'accomplissement de cette voie, c'est-à-dire au perfectionnement qui rend immortelle. Nourris-toi de fleurs, et tu pourras, avec ton propre corps, t'élever dans les airs. » Et elle lui enseigna la manière dont il devait se vêtir et se nourrir. Après avoir incliné son front jusque dans la poussière pour remercier l'envoyé céleste, Tsieh-Ou se leva, mais il ne vit plus la jeune fille. Il allonge la tête, il regarde, elle est sur le mur de la prison, et lui fait signe de la main. « Viens, dit-elle, monte et suis-moi, nous sortirons d'ici. » Le vieillard se met donc à grimper, mais toute la puissance de son élan ne le conduit qu'à moitié de la muraille. Il reprend haleine et arrive peu à peu jusqu'au sommet, puis, au-dessous de lui, il entend le tam-tam des soldats en patrouille et des voix qui crient « Le magicien est échappé! Arrêtez-le! Arrêtez-le !» Tsieh-Ou est saisi d'effroi. Il se trouble, ses mains ont perdu leur force, ses jambes fléchissent, il tombe à terre. Et, revenu de son trouble, il s'éveille sur son lit de douleur. Cependant, ces paroles entendues dans le rêve sont gravées dans son esprit, nettes et intelligibles. Il se voit tiré d'affaire, son cœur se dilate, car on dit « celui qui ne nourrit en son cœur aucun sentiment d'égoïsme comprend clairement que les immortels sont les arbitres des événements. » Ce fut une grande joie pour Chang Wei de voir que le magistrat avait reconnu le vieux jardinier coupable de sorcellerie. « Ce vieillard, dit-il avec ironie, a des bizarreries bien étranges. Il a la bonté de passer toute cette nuit entière sur le lit de douleur, tout exprès pour nous laisser libres de nous réjouir dans son jardin. » « Ces jours passés, ajoutèrent ses amis, L'enclos appartenait encore au vieux jardinier. Nous n'avons pas pu y prendre complètement nos ébats. Mais aujourd'hui, il est devenu la propriété de votre noble seigneurie. Il faut nous y livrer à l'ivresse du plaisir. » Chang Wei goûta le ravi. Toute la troupe sortit de la ville. Et après avoir ordonné aux domestiques de préparer un festin, ils s'acheminèrent vers le but de leur promenade. La porte est ouverte, on entre. Les voisins, loin d'être rassurés en voyant Chang Wei, restent silencieux et n'osent dire un mot. La bande joyeuse, précédée de son chef, arrive devant la cabane. Pas une seule pivoine n'est restée sur sa tige. C'est comme au jour où ils les ont brisées. Elles sont répandues à terre en désordre et jonchent le sol. Tous les jeunes gens crient au miracle. Mais Chang Wei prend la parole. « D'après ce que je vois, ce misérable possède évidemment des secrets magiques. Autrement, comment en moins de 12 heures aurait-il pu opérer une transformation si complète? Est-ce que ce seraient les immortels qui les auraient abattus ?»« Certainement, » répondit un des jeunes gens. Il a su que votre seigneurie voulait se récréer parmi les fleurs, voilà pourquoi il s'est amusé à nous jouer ce mauvais tour. Puisqu'il lui a plu de nous faire des tours de magie, ajouta Chang, eh bien, nous nous réjouirons au milieu des fleurs tombées. Aussitôt on étend à terre des tapis, on place les nattes, et chacun s'étant assis, on s'abandonne à la joie et aux excès de l'orgie. Insensiblement, le repas s'était prolongé jusqu'à l'heure où le soleil pâlit dans l'ouest. Il n'y avait personne qui ne fût à moitié ivre lorsque tout à coup il s'élève un tourbillon impétueux. Or, ce tourbillon agite et secoue les plantes choisies qui se sont multipliées devant le vestibule et ces herbes flottantes qui s'épanouissent à la surface des eaux. La tempête hurle comme une troupe de tigres affamés et siffle à travers les pins de la forêt. Cette terrible trombe soufflant sur les fleurs éparses, elles se relevèrent en une seconde, mais transformées en petites demoiselles hautes d'un pied. « Quel prodige !» s'écrièrent les amis de Chang singulièrement effrayés. Ils parlaient encore quand ces petites apparitions s'étant agitées à la rencontre du vent, devinrent subitement de grandes demoiselles au visage gracieux, belles à voir, portant sur leurs vêtements tout l'éclat des fleurs. Elles errent réunies en troupe en face des jeunes gens, qu'un tel miracle plonge dans une muette stupeur. Parmi ces jeunes filles, il y en avait une habillée de rouge qui prit la parole. « Nous toutes, qui sommes sœurs, habitons ce lieu depuis plus de 10 ans. « Montrons-nous reconnaissantes de la tendresse que nous a témoignée Tsieh-Ou-Sien en nous défendant toujours. »« Quoi donc ? Il a été en butte aux oppressions de quelques villes esclaves et cruellement tyrannisé par eux. Ils l'ont même, par leur calomnie, jeté dans un péril où ses jours sont menacés, et cela dans le criminel espoir de s'emparer de ce jardin. Nos ennemis et les siens sont devant nos yeux. »« Mes sœurs, ne réunirons-nous pas nos efforts pour les châtier, et en faveur de notre vieille amie, ne laverons-nous pas aussi la honte de l'injure dont ces impies l'ont abreuvée? Que vous en semble, mes sœurs ?» Toutes les jeunes filles témoignèrent leur assentiment. « Oui, il faut se mettre à l'œuvre, et que chacune de nous fasse en sorte de se bien cacher. » À peine avait-elle fini de parler que toutes élèvent à la fois leurs larges manches et les agitent en l'air. Ces manches, longues de plusieurs pieds, produisirent un vent terrible, une trombe impétueuse et glacée qui pénètre la chair. « Ce sont des démons !» s'écrièrent alors les jeunes débauchés, occupés à boire. Et laissant là les coupes du festin, ils cherchent à sortir de l'enclos. Chacun s'enfuit sans songer à son voisin. L'un heurte les pieds contre les marches de l'escalier, l'autre a le visage fustigé par les branches des arbres. Celui-ci tombe, se relève pour courir et retombe encore. Ce désordre dura longtemps. Puis, quand tout fut un peu calmé, on songea à faire un recensement de la troupe. Chang Wei et son client Chang Pei étaient tous les deux absents. Lorsque la trombe souffla, le crépuscule était assez sombre. Ils se dirigeaient vers la maison, aussi empressés que s'il se fût agi de conserver leur vie. Et tous, ils s'en allaient en courant, la tête baissée sur leur poitrine, découragés et honteux. Les domestiques hors d'haleine se décident à appeler quelques vigoureux garçons de ferme et s'en vont de concert avec des lanternes faire des recherches dans le jardin. Sous un épais bosquet de grands arbres, une voix lamentable se fait entendre. On approche la lumière, c'est Champé. Embarrassé dans sa course par une racine, il a eu la tête brisée en tombant, et ses blessures trop graves ne lui permettent pas de se relever. Deux des fermiers l'emportent à la maison. On continue de parcourir l'enclos, mais en tout lieu règne un calme parfait. Les mille voix des bosquets sont silencieuses, les pivoines sous leurs tonnelles sont fleuries comme auparavant. Pas une seule n'est tombée. Dans la salle champêtre, au contraire, les coupes et les plats sont renversés en désordre. Le vin est répandu et coule dans la poussière. Les jeunes gens sont forcés d'avouer qu'il y a là un miracle. On s'occupe donc de recueillir les vases du festin, puis de faire encore une recherche avec la plus grande attention. Le jardin n'était pas grand. Il est visité en entier 4 ou 5 fois. Mais hélas, on ne découvre aucune trace du jeune patron. Quoi ? Ce tourbillon l'aurait-il enlevé ? Ces démons femelles l'auraient-il avalé ? Dans quelle retraite inconnue est-il donc caché ? On fait une nouvelle perquisition. Mais enfin, que faire ? Aller passer la nuit chez soi. Après avoir bien réfléchi et examiné, ils allaient sortir, lorsqu'à la porte, voici venir d'autres gens qui entrent avec des flambeaux. C'était tout simplement Hou Kong et Tan Lao, les deux amis du jardinier dépossédé qui, vaguement instruits de la rencontre des jeunes gens avec les démons et de la disparition de Chang Wei, arrivaient pour voir ce qu'il en était. Les fermiers racontent la chose et les deux vieillards, saisis d'une grande frayeur, les engagent à ne pas se retirer. « Restez, disent-ils, nous allons nous joindre à vous et recommencer les recherches. » On s'en occupa donc avec une scrupuleuse attention, à l'aide de lanternes, mais leurs ailes étaient à bout, et ils s'en allèrent en soupirant. « Messieurs, dirent alors les deux vieillards, si vous ne revenez pas ce soir, nous vous prions de vouloir bien fermer les portes. Il ne reste personne pour garder, et la responsabilité pèsera tout entière sur nous qui sommes les voisins. » Mais les hôtes du jeune seigneur, serpents sans tête, incapables de marcher, n'avaient plus comme la veille la parole hautaine. « C'est bien, nous nous en rapportons à vous, » répondirent-ils. Et ils se dispersèrent. À peine étaient-ils dehors qu'ils entendent au bas du mur, du côté de l'est, un des fermiers qui criait « Sa seigneurie est ici !» Tous se précipitent à la fois. « Tenez !» ajoute le paysan en faisant signe de la main. « Il y a quelque chose qui pend à cet acacia. N'est-ce pas le bonnet de notre maître ?» C'était bien lui. On éclaire le long du mur, et à quelques pas de là, à l'angle oriental, dans un détour formé par l'enceinte, se trouve une fosse remplie d'immondices, au milieu de laquelle est un homme planté tout droit, les jambes en haut, la tête en bas. Tout le monde reconnut les bottes et les vêtements du jeune seigneur. L'odeur de cette fosse était insupportable. Tandis qu'on s'occupait de retirer le corps de Chang Wei, les deux vieillards adressaient secrètement des prières à Bouddha. Puis ils se joignirent aux autres voisins et se retirèrent. Les fermiers chargèrent sur leurs épaules le cadavre du maître et allèrent le laver dans l'étang. Quelqu'un partit annoncer cette nouvelle à la maison de campagne. Petits et grands s'abandonnèrent à la douleur, et le corps déposé dans un cercueil fut rendu à la terre. Nous l'y laisserons. Les blessures que Changpei avait reçues à la tête étaient très graves. Il expira la 5e veille de la nuit. Ainsi, les mauvaises actions ont leur récompense. Deux scélérats qui ont quitté le monde ce sont deux démons méchants qui descendent dans les enfers. » Le lendemain, le grand juge, remis de son indisposition, se rendit au tribunal pour reprendre l'affaire de Tsieh-Houssien. Mais un employé du palais vient lui annoncer que l'accusateur Chang Wei et le dénonciateur Chang Pei sont morts tous les deux dans la nuit, et il raconte tous les événements de cette fatale soirée. Le juge, effrayé, ne peut ajouter foi à cette aventure lorsque, quelques minutes après, il voit venir le chef du village qui, escorté de tous les habitants de Changyo, lui présente une pétition signée des 100 familles dans laquelle les faits sont exposés avec exactitude et établissent en outre que toute sa vie, Tsieh-Houssien, remplie de tendresse pour les fleurs, s'est livrée à la pratique de la vertu, qu'il n'est rien moins que sorcier, que Chang Wei, cherchant à s'emparer illicitement du jardin et à perdre le vieillard, a suscité contre lui une accusation calomnieuse, mais qu'enfin la Providence a pris parti pour l'innocent. Tout ce qui s'était passé dans cette affaire était rapporté avec le plus grand détail et la plus grande précision. Le vertige dont il avait été saisi la veille avait déjà donné au juge quelques soupçons, et il avait eu l'idée de l'injustice de cette accusation. Dès lors, ce doute se changea en certitude, et sa joie fut grande de ne pas avoir encore employé la torture. Il ordonna de tirer de prison Tsieh-Houssien et de l'introduire dans la salle du tribunal où il fut rendu à la liberté. Puis il lui remit un arrêté marqué de son propre sceau pour être affiché à sa porte. Ce décret défendait aux promeneurs de causer un dommage quelconque aux fleurs et aux arbres. Toute l'assemblée salua en s'inclinant jusqu'à terre, et Tsieh-Houssien adressa à ses voisins de sincères remerciements. Les deux vieillards ouvrirent les portes de l'enclos et firent leur entrée avec le vieux jardinier. À la vue des pivoines aussi belles, aussi épanouies que jamais, Tsieh-Hou fut profondément ému. On lui apporta du vin pour achever de dissiper ses terreurs. Lui-même répondit à l'empressement de ses amis par un banquet, et il y eut quelques jours de fête dont nous ne parlerons pas. Depuis lors, Tsieh-Houssien se mit à manger chaque jour des fleurs. Insensiblement, il s'y accoutuma, renonça à toute chose rôtie au feu. Ses fruits confits, il les vendit, et cet argent fut employé en aumônes. Dans quelques années, ses cheveux redevinrent noirs, sa physionomie reprit la fraîcheur de la jeunesse. Un jour, c'était le 15e de la 8e lune, le temps était magnifique, le ciel si pur qu'on eût pu apercevoir un nuage dans toute l'étendue de l'horizon. Tsieh-Houssien était assis, les jambes croisées auprès de ses fleurs. Tout à coup, une brise de bon augure souffle doucement. Il s'élève une vapeur étincelante comme l'éclat des flambeaux. On entend dans l'espace des chants et de la musique. Un parfum surnaturel embaume l'atmosphère. Des phénix bleus, des cigognes blanches s'ébattent et voltigent. Peu à peu, en face de la maison, apparaît la jeune immortelle, debout au milieu d'un nuage. À ses côtés flottent des étendards couverts de pierres précieuses, et un grand nombre d'autres jeunes filles, immortelles aussi, l'entourent, tenant en main des instruments de musique. Le vieillard se prosterne dans la poussière, et la jeune déesse qui préside aux fleurs lui parle en ces termes. « Tsieh-Hou, le cercle des mérites que vous aviez à acquérir est rempli. J'en ai fait mon rapport au maître du ciel, qui a daigné ordonner qu'en considération de l'amour que vous avez toujours eu pour les fleurs et du soin que vous en avez toujours pris parmi les hommes, vous soyez enlevés aux demeures célestes. Celui qui aime et protège les fleurs augmente sa félicité. Celui, au contraire, qui leur cause du dommage et les détruit, attire sur soi de grandes calamités. » Tsieh-Houssien, frappant la terre de son front, témoigna sa reconnaissance à la jeune fille assise dans l'espace. Puis, obéissant aux ordres des immortels, il monta sur le nuage. Bientôt, chaumières, fleurs, arbres, tout s'éleva lentement vers les cieux dans la direction du sud. Les deux vieillards, Hu Kong et Tan Lao, ainsi que tous les habitants du village, se prosternèrent avec respect. Ils virent longtemps encore Tsie Houssien qui, du milieu de son nuage, leur faisait des signes d'adieu. Puis tout disparut. Cet endroit a changé son nom en celui de Xing Xian Li, le village de l'immortel qui monte aux cieux. On l'appelle aussi le village des 100 fleurs. Comme le maître du jardin avait toujours chéri les fleurs, obéissant à sa voix, les immortels descendaient le visiter. Sa cabane, ses plantes, ses arbres ont été enlevés au ciel avec lui. Le Tao Se Wei Nan n'a pas besoin de purifier l'or par le feu.